Au sport, le 4 janvier. Hockey mineur dans la Ligue Simplette Hafford-Saint-François. L'équipe novice A des Chocs du Haut-Saint-François reçoit Club Piscine Sherbrooke à l'Arena Distinguis à 13h30. L'équipe novice C visite Thibault GM Sherbrooke 1 au centre Philippe Bergeron à 10h45. À midi, au même endroit, l'équipe Atome A affronte Hockey Expert Sherbrooke. À midi 15 à Windsor, l'équipe Atome B visite Métro Brunel Val-Saint-François. L'équipe Pee-wee B est à Stansted à 16h pour rencontrer les cantonniers 1 de Magog.